grande pour Azoudou. Génération mec, vas-y bouge. Avec un brolic dans la bouche, postiché sous la capuche. Génération, rien dans les fouilles, il va y avoir du grabuche. Change de tasse comme de pouce, M se tourne, jamais les pouces. Génération, derrière les barreaux, ne soutient jamais à carreau. Ma France fait peur aux darons, faut dire que c'est ton baron. Ma France veut être le baron normal, elle vient des barreaux. On a le seum dans le sang, rien ne sert d'insister. D'une vénère ou dansant, inutile d'y résister. Ma France à moi ne se lève pas le tamas. Le tamas t'as le surprénom Fatima ou Adama. Des femmes et des hommes qui un jour prendront les armes. Une France qui tombe dans une violence sans état d'âme. Ma France à moi souvent issue de l'immigration. On lui parle d'intégration, mais quelle intégration? Elle a grandi dans cette nation. Certains le bac avec mention. On sent plus que de raison et noie ses ennuis dans le son. Ma France à moi est loin d'être pudique. Ouvertement elle nique les flics. À l'unisson dans un fit, quitte à prendre des coups, vendre des douces pour prendre des sous. Esquiver le trou et soudainement tirer un trait. Ma France à moi ne fait pas de pitié aux traîtres. De sang froid serait prête à te mettre une balle dans la tête. Oh, elle est en quête de sensations. Sa transaction ne cède jamais à la pression. Faut dire personne ne l'apprécie. Ma France à moi est un peu barge. Un des deux combats en cage. De la rage et des pages de lyrique sans rage. Et vas-y frappe, j'en bats les couilles. Génération, je m'en bats les couilles. Qui se fait descendre pour un zoudou. Génération mec, vas-y bouge. Avec un brolic dans la bouche, postiché sous la capuche. Génération, rien dans les fouilles. Il va y avoir du grabuche. Change de tasse comme de pouces, elle ne se tourne jamais les pouces. Génération derrière les barreaux, ne se tient jamais à carreaux. Ma France fait peur aux darons, faut dire que c'est ton baron. Ma France veut être le baron normal, elle vient des bas-fonds. Une France qui part au car comme 25G LAS. Cette France qui se couche tard après une soirée PES. C'est pour ses frères coincés au placard. Est-ce une attaque ou un blackout? Pas si vite, mon rap est pacifique. Mais ne touche pas à la mif ou c'est la tienne qu'on plastifie. Eh, de la monnaie, y'en a pas. On coûte pas se laisser mourir. Alors, advienne que pourra. Ma France a crié à l'aide. Ils ont fait mille de pas l'entendre. Un ange devient démon et aujourd'hui rien ne peut l'atteindre. Contemple un univers où son empire pourra s'étendre. Attends, j'ai pas fini. Ma France est anti-Sarkozy. Stark hostile, magistrat et anti-star aussi. Mon rap est hostile, il faut savoir qu'on star. Tous les jours ton jacté, ma France est dans les starting. Bloqué dans les parkings, dans le bloc ou sur le ring. Par la conquête du monde, de la cesse plein les marines. Donc va leur dire que la fin justifie les moyens. Que ma France part en coup. Et qu'à cette heure-ci, tu n'y peux rien. Va leur dire qu'on vit nos vies au ralenti. Et à cette heure-ci, je te garantis que je représente une France authentique. Vas-y frappe, j'en bats les coups. Génération, je m'en bats les couilles. Qui fait descendre pour un zoudou. Génération mec, vas-y bouge. Avec un brolic dans la bouche, postiché sous la capuche. Génération, rien dans les fouilles, il va y avoir du grabuche. Change de tasse comme de pouce, elle ne se tourne jamais les pouces. Génération, derrière les barreaux, ne soutient jamais à carreau. Ma France fait peur aux darons, faut dire que c'est ton baron. Ma France peut être le baron normal, elle vient des bas-fonds.